sans y penser et sans savoir ce qu'il faut dire et faire. Oui, c'est quand même très C'est assez ardu comme formation, mais vous avez là un remerciement ouais. quand vous pouvez conduire des enfants voir leurs parents, c'est quelque chose d'unique, je trouve. Et quand vous allez voir des personnes isolées, c'est quelque chose d'enrichissant pour la personne qui fait ça et pour la personne visitée également. Ouais, c'est vrai que c'est pas l'idée qu'on se fait quand on pense Croix-Rouge. Non, non, c'est vrai. C'est Ah oui, il y a énormément de possibilités à la ouais. Croix-Rouge. Hein. Il y a le don de sang, hein. J'insiste souvent Oui, aussi oui. sur le don de sang. Vous êtes tous bienvenus à venir donner votre sang. Vous également, Oui, je sais que vous je venez. viens, je viens. Voilà, vous êtes bienvenus de venir donner votre sang. C'est un début, je veux dire, moi j'ai commencé par là. J'ai commencé par donner mon sang. Et au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on devient président de la Croix-Rouge. On verra d'ici 40 ans, Oui, peut-être que. les places seront libres à ce moment-là. Alors, avec cette nouvelle année qui démarre, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la Croix-Rouge de Mouscron? Ce que je souhaiterais, c'est de ne plus exister. Donc, on ne doive plus, qu'il n'y ait plus de personnes en difficulté, mais je pense que ça, c'est un vœu pieux. On est de plus en plus sollicité par de Ouais. plus en plus de personnes. Alors, je souhaite avoir de plus en plus de volontaires motivés dans les différentes actions que nous faisons. Je souhaite, voilà, que beaucoup de gens viennent nous rencontrer, beaucoup de gens viennent nous parler, beaucoup viennent boire leur tasse de soupe, voilà, nous faire connaître leur vestiboutique. Malheureusement, je dois parler d'argent, récupérer le plus d'argent possible pour pouvoir Pour aider pouvoir, le quoi, plus oui. de monde possible. Ça, c'est encore un frein, et ça, c'est un frein dans beaucoup d'associations. Les gens, on en a besoin du nerf de la guerre. Sans nerf de la guerre, on ne sait rien faire. Ouais. On a beau avoir des bonnes volontés, si voilà, on ne peut pas aller donner des marchandises aux gens si on ne sait pas les acheter. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un des gros problèmes. Bien, je vous souhaite quand même que ça s'améliore, que vous ayez Merci. plus de bénévoles Merci, et un c'est bon gentil. courage aussi à toute l'équipe Merci, de faire ça. c'est gentil. C'est gentil à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous d'être passé et j'espère que notre appel va être entendu J'espère pour aussi. récupérer des donneurs de sang et avoir des volontaires et avoir une clientèle, des chalands qui passent de plus en plus à notre nouvelle adresse. Alors peut-être On peut dire où est la nouvelle oui, la adresse. nouvelle adresse, nous sommes maintenant place de Necker, à côté de l'église Saint-Barthélemy. Donc c'est entre l'église, le lecteur, la statue du lecteur. Et Et c'est le c'est. bâtiment derrière, oui. Nous Voilà. étions avant rue de la Station. Beaucoup de gens nous connaissaient là-bas, mais voilà, nous ne sommes plus là depuis 9 mois. Ouais. Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ok. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique. Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple. Faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique. Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple. Entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique. Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple. Les dauphins sont des violeurs. Ouais. Méfie-toi des apparences. Basique. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change, tu te fais baiser. Basique. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'or. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Basique. Simple. Simple. Basique. Simple, vous n'avez pas les bases. Basique. Simple, vous n'avez pas les bases. Le Ciné-Club se met au diapason de la bibliothèque de Moucron en proposant ce mois-ci un film, disons, érotique. Jean-Pierre Dujardin est au micro de Maude. Dans le cadre du mois de l'érotisme organisé par la bibliothèque de Moucron, le Ciné-Club propose le film « L'odeur de la mandarine », un film de Gilles Legrand avec Olivier Gourmet et Georgia Scalier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Maude. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce film et nous dire à quelle époque il nous renvoie. Voilà, il nous renvoie à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, ça se passe à l'été 1918. Et pour les deux personnages principaux, la guerre est déjà finie, puisque Olivier Gourmet, qui joue le rôle de l'officier de cavalerie, a perdu une jambe, donc il est amputé. Et il reçoit la visite à son domicile d'une infirmière qui, elle aussi, a vécu un grand drame dans sa vie, puisque, au front, son amour, qui était le père de sa petite fille, a laissé sa vie aussi. Donc, c'est la rencontre de ces deux personnages qui fait le sujet de ce film. Ils ont une complicité. Les hasards de la vie ont fait que ces deux personnes se rencontrent. Ce n'était peut-être pas l'amour qu'ils avaient rêvé, mais par la force des choses, ils se trouvent confrontés et ils vivront une grande histoire d'amour. On situe ça dans le cadre du mois sur l'érotisme qu'a programmé la bibliothèque de Moucron. Donc je crois que ce film s'inscrit tout à fait dans la thématique qui a été voulue par la bibliothèque de Moucron. On est très heureux de pouvoir collaborer une fois de plus avec la bibliothèque, avec laquelle on a de très forts liens, et ça permettra aussi à un certain nombre de spectateurs de découvrir que à côté du cinéma, il y a des textes qu'on peut retrouver dans des livres. D'ailleurs, la bibliothèque, je crois, en propose beaucoup. Donc ici, ce film, dont on ne connaît pas grand-chose, attirera surtout par la qualité d'interprétation des deux acteurs. Notamment également de Georgia Scalier, qui est comédienne à la Comédie Française, et je pense, si mes sources sont sûres, c'est son premier film en tant qu'actrice. Exact. Donc auprès exact. De Grégory. Oui, donc ici, le film se termine par un mariage, mais qui est plutôt un mariage de raison, mais on peut aussi déceler une certaine forme d'amour. Donc je crois que c'est cette opposition entre mariage de raison et mariage d'amour qu'on pourra découvrir dans ce film. Alors on peut rappeler peut-être la date de la Oui, donc la ça c'est prévu le mardi 6 février, donc c'est tout proche, et à 19h30 toujours au cinéma Forever. Et si les personnes souhaitent avoir un peu plus de renseignements sur la séance? Voilà, ils peuvent toujours s'adresser au 056 33 24 96, ou bien alors consulter la page Facebook Ciné-Club de Moucron. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Au revoir. Hey. C'était Camilla Cabello sur RQC. À vos agendas, il y a de quoi faire en ce début d'année. Ce jeudi 18 janvier dès 20h30, Claude Semal sera de l'autre côté, rue Saint-Pierre, pour son spectacle Mélancomique, un néologisme qui semble avoir été inventé pour lui. Des places sont en vente au centre Marie-Staquet. Vernissage ce vendredi 19 janvier dès 19h, des œuvres de Pascal Levrag. Levrag ? Oui, c'est bien ça. Hein. En gardant une esthétique dépouillée et une économie de moyens, l'artiste s'emploie à faire l'éloge de l'effacement. À travers dessins, sculptures, photos, vidéos et installations, il met en évidence de petits phénomènes de disparition. À découvrir jusqu'au 18 février au centre Marie-Staquet. Le concert Arca raconte l'histoire d'une arche de Noé. Coucou mon petit Noé. D'une arche de Noé musicale qui se déroule dans le futur. Seul musicien survivant d'une époque apocalyptique, ouais, je préparais déjà le mot suivant, les membres du Quatuor Corify reçoivent pour mission de sauver les meilleurs morceaux de musique de notre civilisation. Le Quatuor Corify nous vous embarque le mercredi 24 janvier à 20h30 au centre Staquet. Double plateau le jeudi 25 janvier au bar du Staquet, by Camara Junior et Perry Rose. Deux styles, deux solos, deux magnifiques chanteurs, deux excellents musiciens, bref, à ne pas manquer. Joug, un guitariste-chanteur qui enchaîne les tournées en accompagnant des artistes depuis 10 ans comme Soul, Charlie Winston, Bass. En 2015, il décide de réunir ses potes pour réinterpréter les standards de blues et de rock en laissant une place centrale à l'essence même de cette musique, l'improvisation. Un concert ne ressemble jamais à l'autre, les trois compères, Jug à la guitare et la voix, Franck Marco à la batterie et Julien Mailleux au washboard, réinventent sans cesse les titres en fonction du public et de l'ambiance du soir. Ce sera au Wapdwap le vendredi 26 janvier. À 20h. Allez, on s'offre une bouffée de musique. Avant d'aborder la suite de l'agenda, elle nous revient enfin avec un nouvel album, Amor Fati. C'est l'emblématique et controversée Bertrand Cantat. Je suis con. Je suis complexe en matière de sexe, je suis contrarié, je réunis par le doute et les insomnies. Je suis compétent, c'est évident, je suis complimenté par maman. Je suis conscient d'être exceptionnel, je suis conchié par mon personnel. Je suis constamment applaudi par les sbires et les faux amis. Je suis content d'avoir des valeurs, je suis confident de l'amant de ta sœur. Je suis conçu pour durer longtemps, je suis compétitif et pourtant je suis continuellement foutu par les censeurs et les census. Je suis condescendant en montant, je suis consentant en descendant. Je suis compromis dans des accords, je suis conciliant, je fais des efforts. Je suis conduit à des pratiques et des contorsions homériques. Je suis consumé par tout ce stress, je suis convié à tous les pince-fesses, je suis considéré permanent, je suis consommateur à plein temps, je suis complètement emballé, c'est comme Paris par un nazi, je suis conseillé par les cadors, je suis convoité, je roule sur l'or, je suis consciencieux, un peu mafieux, je suis contagieux, c'est encore mieux, je suis con le veuille ou non, un sommet de civilisation, je suis conservé dans le formol, je suis consigné dans les sous-sols, je suis confiné dans les quartiers, je suis conformiste et casanier, je suis congelé jusqu'à la moelle. Être figé, c'est idéal. Je suis complexé, c'est pas facile. Je suis confronté à des débiles. Je suis consterné par l'ignorance. Je suis consolé, j'habite en France. Je suis continuellement poussé à fuir pour ne pas mourir. Yeah. que le dance floor du monde entier. Un parfum de Noir Désir flotte dans le studio. Alors, si vous avez la nostalgie des yéyés et de Clou-Clou en particulier, voilà, ce spectacle est pour vous le mardi 6 février à 14h30. Kitty Lucy interprète les chansons des idoles des années 60, de Sheila à Sylvie Vartan, en passant par Brigitte Bardot. Et Ludovic Tourny et ses Claudettes proposent quant à eux un show hommage à Claude François disparu il y a 40 ans déjà. Ça se passe au Staquet le 6 février à 14h30. Piano, guitare, trompette, Paduard, Dujardin ou Ben, que du beau monde pour ce trio jazz inclassable, Catharsis Trio. Voilà ce qui vous attend dans le bar du Staquet le samedi 10 février à 20h30. Woman Man Show, pour deux voix, 24 cordes et des poètes. Deux artistes hors cadre, violonneuse et vocalibriste, proposent un spectacle musical tout en onomatopée et en volée lyrique. Bernard Massuire et Aurélie Dorzé ont commis String. Ce sera le jeudi 15 février en soirée cabaret dans le bar du Staquet à 20h30. Suite au succès international de son précédent spectacle Artisto, qu'il avait présenté chez nous d'ailleurs, Elastic revient sur scène avec des numéros 100% inédits dans un tout nouveau spectacle visuel Momento, une bouffée d'oxygène et de simplicité dans laquelle Elastic vous plonge en transformant avec brio le test d'objets anodins en une succession d'événements comiques étonnants et imprévus qui vous arracheront, paraît-il, des larmes de rire. Elastic sera le vendredi 23 février à 20h30, toujours au Staquet. Réservation et billetterie et donc au 056 860 160. Culture et dépendance est en direct tous les 3e vendredis du mois, mais l'émission est également rediffusée le 3e samedi du mois entre 8h30 et 10h30, le 4e mardi du mois entre 12h et 14h et enfin le 4e samedi du mois entre 8h30 et 10h30. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site de RQC et sur le site du Centre Culturel. Voilà, Culture et Dépendance, c'est déjà fini. Chers auditeurs, toute l'équipe du Centre Culturel Moukrono vous donne rendez-vous dans un mois, le vendredi, en principe le vendredi 17 février, entre 13h et 15h sur RQC 95 FM pour un nouvel épisode de Culture et Dépendance. Allez, on se quitte avec Big Flo et Oli. Dommage, et oui, dommage. Merci de votre fidélité. D'ici là, culture et dépensez-vous bien. Louis prend son bus comme tous les matins. Il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais lui, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Yasmine a une belle voix. Elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait: trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer. Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'était la dernière fois.